Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Francine Berger lit Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. Il était une fois un gamin d'environ 14 ans, grand, dégingandé, avec des cheveux blonds comme de la filasse. Il n'était pas bon à grand-chose. Dormir et manger étaient ses occupations favorites. Il aimait aussi à jouer de mauvais tours. Un dimanche matin, ses parents s'apprêtaient à aller au temple. Assis en bras de chemise sur un coin de la table, il se réjouissait de les voir partir et d'être son maître pendant quelques heures. « Je vais pouvoir, songeait-il, décrocher le fusil de père et tirer deux ou trois cartouches sans que personne s'en aperçoive. » On eût dit que le père devinait ses projets. Au moment de partir, il s'arrêta sur le seuil et dit « Puisque tu ne veux pas nous accompagner au temple, tu pourrais bien lire le prône à la maison. Me le promets-tu ?»« Oui, si vous voulez. » Il pensait bien ne lire que ce qui lui plairait. Jamais il n'avait vu sa mère aussi prompte. En un clin d'œil, elle fut devant la petite étagère suspendue au mur, elle y prit le sermonnaire de Luther et le plaça sur la table devant la fenêtre ouverte au sermon du jour. Elle chercha aussi l'évangile de ce dimanche et le mit à côté du sermonnaire. Enfin, elle approcha de la table le grand fauteuil qu'on avait acheté l'année précédente à la vente du presbytère de Wemmenhög et où d'ordinaire, seul le père avait le droit de s'asseoir. Le gamin songeait que la mère se donnait bien trop de mal pour cette mise en scène car il ne lirait certes qu'une page ou deux. Et de nouveau, le père semblait deviner ses intentions, il dit d'une voix sévère. « Tâche de lire attentivement. Lorsque nous serons de retour, je t'interrogerai page par page. » Gare à toi si tu en as sauté. Le sermon a 14 pages et demie, ajouta la mère. Tu ferais bien de t'y mettre tout de suite si tu veux avoir fini à temps. Et partir enfin. De la porte, le gamin les regardait s'éloigner. Il était comme pris au piège. Ils sont maintenant bien contents, murmura-t-il, de me savoir enfermer le nez sur un livre pendant toute leur absence. Dehors, il faisait le plus magnifique temps de printemps. On n'était qu'au 20 mars. Mais la commune de Wemmenhög est située tout au sud de la Scanie, et le printemps était déjà en plein travail. Il n'avait pas encore fait reverdir les arbres, mais tout bourgeonnait et rayonnait. Il y avait de l'eau dans tous les fossés, et le pas d'âne fleurissait sur le talus des routes. Toutes les petites mousses et les lichens qui poussaient sur le mur de pierre avaient bruni et brillaient. La forêt de hêtres, tout au fond, gonflait à vue d'œil et semblait à chaque instant plus épaisse. Le ciel paraissait très haut et avait une couleur bleue très pure. La porte de la maisonnette était restée ouverte et laissait pénétrer les trilles des alouettes. Dans la cour, les poules et les oies picoraient, les vaches qui sentaient l'air printanier jusqu'au fond de l'étable faisaient entendre de temps en temps un long mugissement. Le gamin lisait, s'assoupissait, sursautait et luttait contre le sommeil. « Je ne veux pas dormir, car alors je n'aurais pas fini toute la matinée. » Mais en dépit de cette résolution, il finit par céder au sommeil. Avait-il dormi longtemps ou seulement quelques instants? Il ne le savait, mais un léger bruit derrière lui l'éveilla. Sur le rebord de la fenêtre, en face de lui, une petite glace reflétait presque toute la pièce. Comme il levait la tête, ses yeux rencontrèrent la glace et il s'aperçut que le grand coffre de sa mère était ouvert. La mère possédait un grand coffre de chêne, lourd et massif, garni de ferrures qu'elle ne permettait à personne d'ouvrir. Elle gardait toutes les choses qu'elle avait héritées de sa propre mère et auxquelles elle tenait beaucoup. C'étaient des robes de paysanne à l'ancienne mode, en drap rouge, à la taille courte, aux jupes plissées et aux plastrons brodés de perles. C'étaient des coiffes blanches, empesées, et de lourdes boucles et chaînes d'argent. Les gens ne voulaient pas porter ces vieux costumes, et souvent la mère avait songé à s'en défaire, mais n'avait pu s'y résoudre. Ces choses lui tenaient trop à cœur. Or, le gamin vit nettement dans la glace que le couvercle du coffre était ouvert. Il ne comprenait pas comment c'était possible, car la mère avait certainement fermé le coffre avant de partir. Elle ne l'aurait jamais laissé ouvert lorsque son fils était seul à la maison. Il se sentit tout à fait mal à l'aise. Il eut peur qu'un voleur ne se fût glissé dans la maison. Il n'osait bouger, immobile. Il regardait fixement la glace. Il attendait que le voleur se montrât. Tout à coup, il se demanda ce que signifiait cette ombre noire qui tombait sur le bord du coffre. Il regardait, et ne pouvait en croire ses yeux, mais peu à peu, ce qui au début n'avait été qu'une ombre se précisa, et bientôt il se rendit compte que c'était une réalité. Il y avait là un tonte, ni plus ni moins, installé à califourchon sur le bord du coffre. Certes, le gamin avait bien des fois entendu parler des tontes, mais jamais il n'avait pensé qu'il pût être si petit. Celui-ci n'était pas plus haut qu'un revers de main. Il avait un vieux visage, ridé et imberbe, et portait un vêtement noir très long, des culottes et un chapeau noir à large bord. Sa toilette était très soignée. Des dentelles blanches autour des poignets et du cou, des chaussures ornées de boucles et des jarretières à gros nœuds. Il avait retiré du coffre un plastron brodé et examinait le travail d'autrefois avec un tel recueillement qu'il ne vit pas que le gamin s'était réveillé. Celui-ci était bien étonné de voir le tonte, mais il n'eut pas très peur. Comment aurait-il pu avoir peur d'un être si petit? Et puisque le tonte était absorbé au point de ne voir ni d'entendre, le gamin se dit qu'il serait amusant de lui faire une niche. Le pousser par exemple dans le coffre et rabattre le couvercle, ou quelque chose de ce genre. Son courage n'allait pourtant pas jusqu'à oser toucher de ses mains le tonte. Aussi chercha-t-il des yeux un objet avec lequel il pût lui porter un coup. Ses regards erraient du lit canapé à la table et de la table au fourneau. S'élevant vers les casseroles et la cafetière placée sur une planchette, ils allaient au fusil du père suspendu au mur, entre les portraits de la famille royale de Danemark, atteignaient les géraniums et les fuchsias qui fleurissaient devant la fenêtre, pour tomber enfin sur un vieux filet à papillons accroché au montant de la croisée. À peine eut-il aperçu le filet à papillons, il le saisit vivement, bondit et le rabattit sur le bord du coffre. Il fut surpris lui-même de sa chance, car il avait bel et bien attrapé le tonte. Le pauvret gisait au fond du filet, la tête en bas, incapable d'en sortir. Au premier abord, le gamin ne sut que faire de sa proie. Il agitait seulement le filet afin d'empêcher le tonte de regrimper. Le tonte se mit à parler et de tout son cœur le supplia de lui rendre la liberté. Il leur avait fait du bien pendant de longues années, dit-il, et méritait un autre traitement. Si le gamin le lâchait, il lui donnerait un vieux dallaire, une cuillère d'argent et une monnaie d'or grosse comme la montre du père. Le gamin ne trouva pas cette offre très généreuse, mais depuis qu'il s'était emparé du tonte, il en avait peur. Il se rendait compte qu'il avait affaire à quelque chose d'étranger et d'effrayant, qui n'appartenait pas à son monde, et ne demandait qu'à sortir de cette aventure. Aussi acquiesça-t-il immédiatement à cette proposition du tonte et cessa d'agiter le filet pour permettre au petit bonhomme de regrimper. Toutefois, au moment où son prisonnier était presque sorti du filet, il eut l'idée qu'il aurait dû s'assurer de grands biens et toutes sortes de choses. Pour commencer, il aurait au moins dû exiger que le sermon lui entrât tout seul dans la tête. « J'ai donc été bête de le laisser partir, se dit-il. » Et de nouveau, il se mit tout à coup à agiter le filet. Mais au même instant, il reçut une gifle si formidable qu'il lui sembla que sa tête allait éclater. Il fut projeté d'abord contre un mur, puis contre l'autre. Enfin, il tomba par terre et demeura inanimé. Lorsqu'il reprit connaissance, il était seul dans la pièce. Aucune trace du tonte. Le couvercle du coffre était rabattu. Le filet à papillons était à sa place accroché à la fenêtre. S'il n'avait pas ressenti une douleur cuisante à la joue, il aurait été tenté de croire que tout cela n'avait été qu'un rêve. Quoi qu'il en soit, se dit-il, père et mère affirmeront toujours que c'était un rêve. Ils ne me feront pas grâce du sermon à cause du tonte. Aussi vaut-il mieux que je me remette à lire. Que disant, il s'avançait vers la table lorsque, tout à coup, il remarqua quelque chose d'étrange. Il n'était pas possible que la maison se fût agrandie. Ben, comment expliquer autrement qu'il eut à faire un si grand nombre de pas pour atteindre la table? Et qu'avait donc la chaise? Elle ne semblait pas être devenue plus grande pourtant. Il dut se hisser d'abord jusqu'au barreau inférieur et de là grimper sur le siège, de même pour la table. Il ne put en voir le dessus qu'en escaladant le bras du fauteuil. Qu'est-ce que cela signifie, se dit-il, je crois que le tonte a enchanté le fauteuil et la table et toute la maison. Le sermonnaire était toujours ouvert sur la table et ne paraissait pas changer pourtant. Il vit bien qu'il y avait là encore quelque chose de bizarre, car il ne put lire un seul mot sans se placer debout sur le livre même. Il lut quelques lignes, puis leva la tête. Ses yeux tombèrent de nouveau sur la glace et il s'écria tout haut « Tiens, en voilà encore un !» Dans le miroir, il voyait nettement un petit, tout petit homme en bonnet pointu et en culotte de peau. « Oh ! Celui-là est habillé exactement comme moi !» s'écria-t-il en joignant les mains de surprise. Alors le petit bonhomme de la glace fit le même geste. Le gamin se mit à se tirer les cheveux, à se pincer, à pirouetter sur lui-même. Aussitôt, l'homme de la glace imitait ses mouvements. Rapidement, il fit le tour de la glace pour voir s'il y avait quelqu'un caché là derrière. Mais il n'y avait personne. Il se prit alors à trembler, car il comprenait tout à coup que le tonte l'avait ensorcelé et que l'image reflétée par la glace était son image à lui. Francine Berger, vous avez choisi de lire « Le merveilleux voyage » de Nils Holgersson à travers la Suède. Alors c'est un livre que vous n'avez pas lu vous-même quand vous étiez petite. Oui, effectivement, j'ai eu envie de le lire parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon enfance. C'était pas un précepteur parce que c'était pas son métier, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un précepteur. Et c'était aussi quelqu'un qui m'a parlé de livres, qui m'a fait lire des livres. Et celui-là, il me l'a lu, il nous l'a lu à ma sœur et à moi. J'ai envie de dire son nom parce que c'est quelqu'un qui a été très important. Il est mort en plus, il s'appelait Paul Gentil. Et je me souviens, il nous lisait ça le soir avant qu'on s'endorme, à ma sœur et à moi. J'avais une dizaine d'années. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'est revenu. Mais c'est drôle parce que je n'ai jamais eu envie de le lire, moi. C'est resté comme un souvenir extraordinaire, peut-être une forme de théâtre déjà, je ne sais pas. Vous lisiez beaucoup vous-même à côté? Oui, je lisais beaucoup, beaucoup. J'ai appris à lire très tôt. En plus, il y avait plein de livres dans la bibliothèque de mes parents que je n'avais pas le droit de lire. Alors évidemment, j'attendais qu'ils soient partis ou occupés à autre chose. Je les prenais, puis j'allais derrière un fauteuil, je me souviens très bien, dans le noir, les lire. C'était quoi ces livres? J'ai lu très jeune, comme ça, le truc le plus... Des trucs que je trouvais vraiment extraordinaires, c'était Ambre, de Kathleen Windsor, et puis Esmeralda, de Victor Hugo. Ça, il m'avait absolument interdit de lire ça. Mais je devais avoir 6 ans ou 7 ans. Hein. Et puis vers 7-8 ans, parce que j'étais bilingue aussi, j'ai lu les contes d'Edgar Allan Poe en anglais dans un livre extraordinaire où il y avait des illustrations à la Aubrey Beardsley. Et je me souviens, j'étais tellement émue et impressionnée, excitée, que j'avais les oreilles qui me brûlaient. Et j'étais dans un tel état de comme ça que les parents ont dit « Écoute, non, vraiment, tu liras ça plus tard ». Mais c'est vrai que par rapport à l'âge où je m'aperçois que les enfants apprennent à lire aujourd'hui, c'était assez précoce, quoi. De toute façon, vous aviez une enfance particulière, parce que vous n'alliez pas à l'école. Oui, j'ai une enfance très bizarre et très... je recommande à personne, d'ailleurs. Parce que j'allais pas à l'école, j'apprenais la danse avec mon père, j'apprenais la musique avec mon père et ma mère. Enfin, si ça avait des côtés un peu fantastiques, mais en fait, j'ai beaucoup regretté de ne pas avoir une vie normale et d'aller à l'école et puis d'avoir des petits camarades. C'était terrifiant. Il aimerait mieux que personne ne le vit plus jamais. Quel malheur que le sien. Nul n'était aussi à plaindre. Il n'était plus un homme, mais un monstre. Il commençait peu à peu à comprendre ce que cela signifiait de n'être plus un homme. Il était dorénavant séparé de tout. Il ne pourrait plus jouer avec d'autres gamins. Il ne pourrait pas prendre à bail la ferme après ses parents. Et très certainement, il ne trouverait jamais de jeune fille qui voudrait l'épouser. Il regardait sa maison. J'étais une petite chaumière de torchis qui semblait s'enfoncer dans la terre sous le poids d'un toit de paille haut et escarpé. Les dépendances étaient aussi toutes petites. Les bouts de champs si étroits qu'un cheval y trouvait à peine la place de tourner. Mais si petite et pauvre qu'elle fût, cette demeure était maintenant trop bonne pour lui. Il n'avait plus le droit de demander rien de mieux qu'un trou sous le plancher de l'écurie. Il faisait un temps merveilleusement beau. Tout autour de lui, l'eau ruisselait, les branches bourgeonnaient, les oiseaux gazouillaient. Lui seul portait un gros chagrin. Il ne se réjouirait plus de rien. Jamais il n'avait vu le ciel aussi bleu. Les oiseaux migrateurs passaient par bandes. Ils revenaient de l'étranger. Ils avaient traversé la Baltique, se dirigeant droit sur le cap de Smygehouk, et maintenant ils allaient vers le nord. Il y en avait de différentes espèces, mais il ne reconnaissait que les oies sauvages, qui volaient sur deux longues files formant un angle. Plusieurs bandes d'oies avaient déjà passé, elles volaient très haut, mais il entendait pourtant leurs cris. « Nous partons pour les fiels ! Nous partons pour les fiels !» Lorsque les oies sauvages apercevaient les oies domestiques qui se promenaient dans la basse-cour, elles abaissaient leur vol et criaient « Venez avec nous ! Venez avec nous, nous partons pour les fiels !» Les oies domestiques ne pouvaient s'empêcher de lever la tête pour écouter, mais elles répondaient, pleines de bon sens, « Nous sommes bien ici ! Nous sommes bien ici !» C'était, comme nous l'avons dit, un jour merveilleusement beau, avec un air qui invitait au vol, si frais, si léger. À mesure que de nouvelles bandes passaient, les oies domestiques devenaient plus inquiètes. Elles battaient par moments des ailes comme décidées à suivre les oies sauvages. Mais chaque fois, il se trouvait parmi elles quelques vieilles commères qui disaient « Ne faites donc pas les folles. Celles-là auront à souffrir de la faim et du froid. » Or, il y avait un jeune jarre à qui les appels des oies sauvages avaient donné une grande envie de partir. « S'il vient encore une bande, je l'accompagnerai, » dit-il. Une nouvelle bande arriva, appelant comme les précédentes. Alors le jarre répondit « Attendez, je viens !» Il déploya ses ailes et s'éleva dans les airs, mais il avait si peu l'habitude de voler qu'il retomba à terre. Les oies sauvages semblaient cependant avoir entendu son cri. Elles revinrent lentement en arrière pour voir s'il allait les rejoindre. « Attendez !» criait-il en faisant un nouvel effort. Le gamin entendait tout du mur où il s'était caché. Quel dommage si le grand jarre allait s'envoler. Père et mère en auraient du chagrin s'il était parti lorsqu'ils reviendront du temple. Il en oublia une fois encore qu'il était petit et sans force. Il sauta au milieu des oies et jeta ses bras autour du cou du jarre. « Tu resteras ici, tu entends ? » cria-t-il. Mais juste à ce moment, le jarre avait compris ce qu'il fallait faire pour s'élever du sol. Il ne put s'arrêter pour secouer le gamin et celui-ci fut emporté dans l'air. Il fut enlevé avec une rapidité qui lui donna le vertige. Avant d'avoir pensé à lâcher prise, il se trouva si haut qu'il se serait tué s'il était tombé à terre. Il n'avait plus qu'à essayer de se hisser sur le dos de l'oie. Il y parvint, mais avec beaucoup de peine. Il n'était pas facile non plus de se maintenir sur le dos lisse et glissant entre les deux ailes battantes. Il dut plonger ses deux mains dans les plumes et le duvet pour ne pas être précipité. Qu'est-ce qui vous plaisait dans Nils Holgersson ? Je me demande si c'était pas le genre d'aventure qui pouvait arriver qu'à un garçon. Et je trouvais à cette époque-là que les garçons avaient une vie beaucoup plus agréable que les filles parce qu'ils pouvaient faire des tas de choses que les filles pouvaient pas faire. Je crois que c'était le côté aventureux de cette histoire et j'avais beaucoup plus envie qu'il m'arrive ce genre de choses que finalement les histoires de princesses qui attendaient que le prince charmant vienne les réveiller. Ça, j'aimais bien ça, mais... Ça me faisait beaucoup plus rêver, ça me faisait beaucoup plus voyager, sans doute. Où est-ce que ça se passait, tout ça ? Vous viviez où ? À Paris ? Oui, à Paris, dans un endroit assez magique, qui est l'avenue Frochot, fermé par une grande grille où il y a d'anciens hôtels particuliers avec des jardins, des arbres et où il y avait plein de gens extraordinaires dont les Renoir, c'est-à-dire il y avait Pierre Renoir, il y avait Jean Renoir, il y avait Claude Renoir et puis je pense que le père y était passé aussi et puis évidemment les enfants aussi. Et en dehors de la lecture, qu'est-ce que vous faisiez? Ah ben, plein de choses. Je faisais de la danse, évidemment. Je faisais de la musique. Et puis, bon, sinon... sinon, oui, j'étais... Faut dire aussi que ça prenait beaucoup de temps. J'étais chef de bande des enfants de l'avenue Franchot. Les livres, ça a quelle importance maintenant dans votre vie? Ça a une plus grande importance que dans l'enfance? C'est resté la même chose? C'est pas que c'est important, c'est que ça fait partie de la vie. C'est... Mais je les maltraite terriblement, les livres. Plus ils sont abîmés, sales, cornés, tachés, écrits dessus, pris des notes, plus c'est mes livres et plus j'y tiens. Parce que je lis partout. Je lis partout, je lis en mangeant, je lis dans mon lit, je lis... Je suis capable de lire en me lavant les dents, alors il y a du dentifrice qui tombe dessus. Donc j'ai besoin de livres souples qui puissent se trimballer partout dans le sac. Donc c'est mes choses. Les oies longèrent l'île étroite que de là-haut elle voyait en entier. Le gamin se sentait le cœur léger. Il semblait que l'intérieur de l'île fût un haut plateau dénudé, entouré d'une large bande de terre riche et fertile le long des côtes. Niels commença à comprendre le sens de quelque chose qu'il avait entendu raconter la veille au soir. Il se reposait au pied d'un des nombreux moulins à vent qui se dressent sur le plateau lorsque deux bergers s'étaient approchés, escortés de leurs chiens et précédés d'un grand troupeau de moutons. Le gamin ne s'était pas dérangé car il était bien caché sous les marches du moulin, mais le hasard avait voulu que les deux bergers vinssent s'installer sur le même escalier, et Niels avait dû rester à sa place jusqu'à leur départ. L'un des bergers était un jeune homme dont l'aspect n'offrait rien de particulier, l'autre était un vieillard étrange. Son corps était grand et décharné, sa tête petite. Son visage avait des traits doux et tendres. On eût dit que le corps et la tête n'allaient pas ensemble. Un instant, il resta silencieux, fixant le brouillard d'un regard infiniment las. Puis il se mit à causer avec son camarade. Celui-ci avait tiré de son sac du pain et du fromage pour souper. Il ne répondait rien aux paroles de l'autre, mais semblait l'écouter patiemment. « Je vais te dire quelque chose, Éric, » dit le vieillard. « J'ai réfléchi et je crois que jadis, dans le temps où hommes et bêtes étaient beaucoup plus grands que maintenant, les papillons ont dû être immensément grands. Il y avait une fois un papillon long de plusieurs milles. Ses ailes étaient larges comme des lacs, bleues, avec des reflets d'argent, et si belle que tous les autres animaux s'arrêtaient pour contempler le papillon lorsqu'il volait. Malheureusement, il était trop grand. Ses ailes le portaient difficilement. Tout se serait encore bien passé si seulement il avait eu la prudence de ne voler qu'au-dessus de la terre. Mais il se risqua sur la Baltique. Il n'était pas allé loin que déjà la tempête secouait ses ailes. Tu comprends, Éric, ce qui devait arriver lorsque de fragiles ailes de papillon étaient exposées à la tempête de la Baltique. Elles furent vite arrachées et emportées par les rafales, et le pauvre papillon tomba dans la mer. Il y fut ballotté par les vagues jusqu'à ce qu'il échoua sur quelques écueils devant la côte du Småland, et là il resta, étendu de tout son long. Je suppose, Éric, que si le corps du papillon avait reposé sur la terre, il aurait vite pourri et serait tombé en poussière. Mais comme il était tombé dans la mer, il s'y imprégna de chaud et devint dur comme de la pierre. Tu te rappelles, nous avons trouvé sur la rive des pierres qui sont des vers pétrifiés. Je crois que c'est ce qui est arrivé au corps du grand papillon. Je crois qu'il est devenu un long et étroit rocher au milieu de la Baltique. Qu'en penses-tu ? Il s'arrêta pour attendre une réponse, le camarade hocha la tête. « Continue et dis-moi où tu veux en venir. » « Remarque bien, Éric, que cette Eulande où nous vivons, toi et moi, n'est autre chose que ce corps de papillon. Il n'y a qu'à réfléchir pour voir que l'île est bien un papillon. Au nord, on aperçoit le corselet étroit et la tête ronde. Au sud, c'est l'abdomen qui d'abord s'élargit, puis s'amincit et finit en pointe. Il s'arrêta un moment et jeta un regard inquiet sur son camarade pour voir comment il prendrait cette assertion. Mais le jeune homme continuait à manger tranquillement son pain et lui fit seulement signe de poursuivre son récit. Dès que le papillon fut devenu un rocher de calcaire, une foule de graines d'herbes et d'arbres apportées par le vent essayèrent de s'y enraciner. Elles ne trouvèrent que difficilement à s'accrocher sur le rocher nu et glissant. Longtemps, il n'eut que la lèche qui put y pousser, puis vers la fétuque et les lianthèmes, mais encore aujourd'hui, il n'y a pas assez de plantes ici sur le plateau pour cacher tout à fait le roc car il apparaît partout. Et nul ne pourrait songer à labourer ni à semer ici, tant la couche de terre est mince. Mais si tu admets que le plateau et les hauteurs sont formés par le corps du papillon, tu as le droit de demander d'où est venue la terre qui s'étend en bas tout autour. J'allais te le demander. Eh bien, rappelle-toi que l'île a séjourné dans la mer pendant un grand nombre d'années. Et pendant ce temps, toutes ces choses que la mer roule, le varech et le sable et les coquilles, se sont amassées là. Et puis des deux côtés du plateau, il y a eu des éboulements de pierres et de terre. C'est ainsi que l'île a eu des côtes larges où le blé et les fleurs et les arbres peuvent pousser. Ici, en haut, sur le dos du papillon, on ne trouve que des brebis et des vaches et de tout petits chevaux. Ici ne demeurent que des vanneaux et des pluviers. Il n'y a pas d'autre construction que les moulins à vent et les pauvres cabanes de pierre où nous autres bergers nous abritons. Mais sur les rives, il y a de gros villages de paysans et des églises et des presbytères, des hameaux de pêcheurs et toute une ville. Il s'arrêta et regarda l'autre. Celui-ci avait fini son repas et était occupé à resserrer son sac à provisions. « Je voudrais savoir, commença-t-il enfin, à quoi tu veux en venir ?»« Ah, voici !» dit le berger en baissant la voix. Il chuchotait presque, et ses petits yeux, fatigués à force d'épier tout ce qui n'existe pas, plongeaient dans le brouillard. Voici ce que je voudrais savoir. Les paysans qui habitent les cours fermées là-bas sous le plateau, et les pêcheurs qui prennent le hareng dans la mer, et les marchands de Borgholm, les baigneurs qui viennent tous les étés, et les voyageurs qui se promènent dans les ruines du château de Borgholm, les chasseurs qui en automne viennent tirer la perdrix, et les peintres qui s'installent sur ce sommet et peignent les moutons et les moulins à vent, je voudrais savoir si jamais quelqu'un d'entre eux a compris que cette île était un papillon qui a volé dans l'air avec de grandes ailes brillantes. Aussi, dit le jeune pâtre, quelqu'un d'entre eux qui se sera assis un soir au bord de la falaise, qui aura entendu les rossignols chanter dans les bocages au-dessous de lui et aura contemplé le détroit de Calmar a dû comprendre que cette île n'a pas pu être créée comme toutes les autres. « Je voudrais savoir, continua le vieillard, si aucun d'eux n'a eu le désir de donner au moulin des ailes si grandes qu'elles puissent monter dans le ciel, si grandes qu'elles auraient la force de soulever toute l'île hors de la mer et de la faire voler comme un papillon parmi les papillons. » « Il y a du vrai dans ce que tu dis, répliqua le jeune homme. Car les nuits d'été, lorsque le ciel forme une immense voûte bleue au-dessus de l'île, il m'a bien semblé parfois qu'elle voulait s'élever de la mer et s'envoler. » Mais le vieillard qui avait enfin amené le jeune homme à parler ne l'écoutait pas. « Je voudrais savoir, continua-t-il encore plus bas, si quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi, ici, sur le plateau, on éprouve cette nostalgie. Je l'ai senti tous les jours de ma vie. Et je crois qu'elle s'insinue dans la poitrine de tous ceux qui vivent ici. Je voudrais savoir si personne n'a compris que cette langueur vient simplement de ce que l'île entière est un papillon qui aspire après ses ailes. Première lecture, lecture d'enfance. Extrait du merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf par Francine Berger. Monique Burguière, Marie-Françoise Simon, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions. Thank you.